électricité. Alors, je leur propose un contrat EDF adapté à leur activité, dont la part énergie est à prix fixe de 1 à 4 ans. Ils peuvent ainsi mieux maîtriser leur budget et être plus tranquilles. Appelez-nous au 3022. EDF. Service gratuit près d'un appel local. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Contrat à prix fixe de l'énergie hors répercussion des évolutions réglementaires prévues dans le contrat. Dans vos Golf, U-Golf et Blue Green d'Île-de-France, il y a ceux qui aiment se dépasser et ceux qui jouent juste pour le plaisir du grand air. Essayez le golf avec U-Golf et Blue Green. Initiation 100% gratuite du 14 mars au 27 avril. Réservez vite sur initiationgolf.com. Devine quoi? Les Gaulois sont de retour au parc Astérix. Alors, tu vas faire quoi en premier? Moi, je vais faire Pégase Express après la tour de numéro bis, après Disco Bélix, après Osiris, je referai Pégase Express. Ah bah ça tombe bien, jusqu'au 7 mai, l'entrée gratuite pour les moins de 12 ans. Et même qu'après, je vais faire tout à 10. Parc Astérix, on est comme ça, au pays des Gaulois. Plus d'infos sur parcastérix.fr. Un problème de pare-brise? Chez Carglass, il y a toujours une solution pour vous. Il suffit d'aller sans attente sur carglass.fr. En plus, en ce moment, pour toute intervention pare-brise, on vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Et oui, on vous l'offre jusqu'au 11 avril. Alors profitez-en et prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass rend. Place. Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron, il y a un pépin. On est encore paumé. Et comme leurs chaussons, en ce moment, les trois chaussons aux pommes cuits sur place, dont un offert, sont à 1,70€. 57 centimes le chausson aux pommes. On est mal. Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidl-est-moins-cher.fr. 5,40€ le kilo pour 3, 8,10€ le kilo pour 1, 85 centimes la pièce. Cuit sur place dans les supermarchés disposant d'un point chaud. Offre valable jusqu'au 2 avril. Plus d'informations sur Lidl. Pour votre santé, bougez plus. Dans moins d'une minute, retour du rock sur Oui FM. La vie claire. Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût? En ce moment, chez La Vie Claire, profitez de moins 15% sur tous nos pains bio dans nos 22 recettes exclusives. Et dès 30 euros d'achat, on vous offre un pain sportif. Alors, ça vaut le goût ou pas? La vie claire, la bio clairement engagée. Offre limitée à une personne et par foyer. Voir conditions sur laviclaire.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Carrefour. Chez Carrefour, achetez vos yaourts, compotes et desserts et recevez 50% du montant de vos achats en bon d'achat. Et c'est valable sur tous les yaourts, compotes et desserts, même en promotion. Et c'est dès demain et jusqu'à jeudi dans vos hypermarchés Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Dès 10 euros et jusqu'à 20 euros d'achat en deux bons d'achat valables du 4 au 20 avril. Modalité complète sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Oui FM. Retrouvez ce titre sur la web radio Oui FM Classic Rock. Oui FM. today that I say FM. From isn't all that great. My heart and my

be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Oui FM présente Oui FM Garage Rock. Des amplis qui crunch, des guitares qui fuzz. Empruntez l'itinéraire bis du rock'n'roll avec une programmation sauvage des années 50 à nos jours. Retrouvez-la sur ouifm.fr ou sur l'appli ouifm. Ouifm Garage Rock. À tous ceux qui font leurs courses avec une calculatrice, à ceux qui savent calculer les pourcentages de tête et sans froncer les sourcils, même quand c'est 17%, et à ceux qui trouveraient ça plus simple sans tous ces 99 centimes. Pour arrêter de calculer, Intermarché propose jusqu'à 1000 produits du quotidien à prix bas, comme la boîte de 12 biscuits tableau d'honneur chocolat au lait Chabrior, une marque Intermarché, à seulement 1,05€. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 150 grammes, soit 7€ le kilo. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. La vie claire. Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût? En ce moment, chez La Vie Claire, profitez de moins 15% sur tous nos pains bio, dont nos 22 recettes exclusives. Et dès 30€ d'achat, on vous offre un pain sportif. Alors, ça vaut le goût ou pas? La vie claire, la bio clairement engagée. Offre limitée à une personne et par foyer. Voir conditions sur lavieclaire.com. Pour votre santé, bougez plus. Wow! Les ventes flash de printemps Amazon sont enfin là. Alors, pour vos prochaines randonnées ou votre grand ménage de printemps, faites de super économies sur tout ce dont vous avez besoin. De la high-tech à la maison, en passant par le sport et bien plus encore. Wouh! Profitez des ventes flash de printemps Amazon. Jusqu'à ce soir minuit. Des ventes flash qui vont vraiment vous enchanter. Wouh! Renault Car Service lance Digital Car Service pour gérer en ligne l'entretien de mon véhicule sur Renault.fr ou l'appli My Renault. Est-ce que ça va changer ma vie? En tout cas, ça va la simplifier. Je prends rendez-vous en ligne, choisis mon atelier, dépose mon véhicule, on me tient informé des différentes étapes de vie suivies des réparations. C'est donc vrai. Qui mieux que Renault peut entretenir ma Renault? Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2025. Conditions et rendez-vous sur Renault.fr ou l'appli My Renault. Numéro 1, source l'Automobile Magazine 2024. Total Energy présente... Oh papa, encore sur ton téléphone? Oui mais là c'est pour Jean-Paul. Avec l'offre standard fixe de Total Energy, il a 10% de remise en souscrivant un contrat d'électricité pour sa maison. Ouais bah moi je les appelle pour qu'ils arrêtent leur promo. Avec l'offre standard fixe, profitez d'un prix du kilowattheure d'électricité hors taxe 10% moins cher que le tarif réglementé de vente et fixe pendant un an pour toute nouvelle souscription à un contrat d'électricité. Appelez le 3099. Offre soumise à conditions, détails sur totalenergie.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Si vous pensez qu'un déplacement professionnel peut se faire ailleurs que dans un hôtel standardisé, si vous êtes convaincu que pour bien travailler, il faut aussi bien dormir, et si vous préférez savourer un plat authentique plutôt qu'un sandwich d'autoroute, alors vous êtes bien chez Logi-Hôtel. Un hôtel tous les 12 kilomètres. La soirée étape chez Logi-Hôtel, c'est un forfait nuit, repas et petit déjeuner à 105€. Prix moyen constaté en 2024. Logi-Hôtel.com. Joignez le local à l'agréable. Bouygues Télécom. Qu'est-ce qu'on a? Une photo loupée. Les bougies sont déjà soufflées. Ok. Avec la nouvelle commande de l'appareil photo de l'iPhone 16, accédez à la caméra en un temps record. En ce moment chez Bouygues Télécom, profitez de 200€ de remise minimum sur l'iPhone 16 grâce au forfait 150Go et plus. Rendez-vous en boutique Bouygues Télécom. Forfait Bouygues Télécom à partir de 35,99€ par mois, engagement 24 mois, soit 192€ au lieu de 392€ après remboursement et reprise mobile. Conditions en boutique. Oui FM, retour du rock dans moins d'une minute sur Oui FM. Leclerc, bonjour. Bonjour, vous faites une promo sur les sauces Barilla? Tout à fait. Ah, je le savais. Chérie, c'est quoi déjà ta fameuse recette de sauce provençale? Chut, c'est un secret. Le secret, c'est que jusqu'au 5 avril, pendant les super pouvoirs d'achat chez Leclerc, le troisième pot de sauce provençale ou tomate cuisinée Barilla est offert pour deux achetés. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Noroto. Attends, mais depuis quand tu mets des moufles pour conduire, toi? Bah, j'ai fait l'entretien de la clim chez Norauto, on va tester tout ça. En plein mois d'avril. Bah, c'est bien, t'as le sens du timing. 20% de remise, c'est pas tous les jours. 20% de remise? C'est pas vrai. Mais si, jusqu'au 6 mai, Norauto vous offre 20% de remise sur l'entretien climatisation pour toute révision, vidange ou entretien effectué. Avec des prix comme ça, pas étonnant qu'on soit la marque préférée des Français. Étude Opinionway, mars 2024. Conditions en centre et sur norauto.fr. Oui, FM. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Waterman. Retrouvez ce titre sur la web radio Oui FM Classic Rock. Oui FM. It's been me the whole damn time. I should really try to calm my mind and see things from your side. Or maybe you can cry, cry. Go ahead and ruin someone else's life. Cry, cry. Go find somebody else so I can sleep at night. Go ahead and ruin someone else's life. Go ahead and ruin someone else's. Les classiques sont sur Oui FM. Oui FM, la radio du rock. Look at that. Money for nothing. All the chicks for free. Côté Rock sont sur Oui FM. Kaysaria, Can't Sleep Another Night. Oui, bah là, je crois qu'on a perdu notre week-end en ce lundi. Hein. Bon, à la fois, c'est le principe même du lundi, hein, nous faire oublier notre week-end et devoir se projeter pour le coup sur une nouvelle semaine qui nous fera déboucher sur un nouveau week-end. Pour l'heure, on avance, on n'a pas le choix, mais autant le faire avec une nouvelle session de Medical jusqu'à 14h. Jouons d'abord le son de WeFM, c'est lui le patron. Hein. Ajoutons ensuite des infos, les toutes dernières infos rock et infos tout-terrain. Mixons avec des invitations à sortir au ciné, au concert, au musée, aux expos photos, au théâtre, bref, varions. Puis mélangeons avec la présence active d'intervenants qui mettent de côté pour nous des infos qu'ils veulent nous partager. Bonjour, bienvenue amis auditrices, auditeurs les meilleurs, j'espère que vous allez bien, c'est Josquin en porte-voix, la voix je vous la montre de ce pas avec les Queens of the Stone Age et c'est Make It With You. I can't say that I do. Take me, take me, take me for the ride. Make me, make me break the guilt tonight. I'll say, okay. Et c'est bien le titre de ce morceau, OK, but this is the last time par The Offspring sur le dernier album Supercharge. Oui, FM, Midicule dans quelques instants, direction le département du Val-d'Oise avec une exposition qui va voir le jour, en l'occurrence la petite brique Lego. Il y en a qui adorent, qui sont complètement fans. Et puis un point cadeau avec un très bel album version vinyle que vous gagnez une nouvelle fois toute cette semaine, notamment avec Arnold. C'est The Warning, je n'oublie pas les morceaux cultes, Blue Jeans, ça arrive dans quelques instants, David Bowie. Bring the noise, la seule émission alternative rock de la bande FM, tous les dimanches entre 21h et minuit. Oui FM vous offre le meilleur du rock alternatif avec Marie et Lucas. Au programme, grands classiques, nouveautés, live report et interviews de vos artistes préférés. Bring the noise tous les dimanches dès 21h sur Oui FM. La radio du rock. À tous ceux qui achètent les lapins en chocolat, toujours par deux. C'est pas par gourmandise, hein, mais c'est juste pour pas qu'ils se sentent seuls, quoi. Ça peut être vachement effrayant de se faire chasser par des enfants dans un jardin. À deux, c'est plus facile, ben, pour se défendre, tout simplement. Dès mardi chez Intermarché, pour l'achat d'un lapin Lindt, vous avez 50% de remise immédiate sur le second. Bah oui, c'est Pâques, et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 13 avril, sur le moins cher des deux. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Un problème de vitrage sur votre voiture? Vous pensez à Carglass directement? Bien sûr, on s'en occupe. Et avec nous, vous êtes sûr de conserver votre garantie constructeur. Chez Carglass, peu importe l'intervention vitrage ou la marque de votre voiture, votre garantie constructeur, vous la gardez. Et encore mieux, jusqu'au 11 avril, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Et ça, c'est Carglass qui le fait pour vous. Alors, prenez rendez-vous sur carglass.fr ou au 34 44. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. Votre nouveau poltron sofa est plus proche que vous ne le pensez. Bien sûr Bruno, c'est la collection Je Mérite. Tant de canapés à 799€ seulement. Vous avez plus de 300 magasins pour l'essayer. Avec en plus 30% sur les modèles de la collection comme en exposition. Venez les découvrir en magasin. Poltron sofa, 30 ans de qualité. Et voilà. 30 ans de qualité, vérifiez conditions en magasin. La vie claire. Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût? En ce moment chez La Vie Claire, profitez de moins 15% sur tous nos pains bio, dans nos 22 recettes exclusives. Et dès 30 euros d'achat, on vous offre un pain sportif. Alors, ça vaut le goût ou pas? La Vie Claire, la bio clairement engagée. Offre limitée à une personne et par foyer. Voir conditions sur lavieclaire.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Total Energy présente. Oh papa, encore sur ton téléphone? Oui mais là c'est pour Jean-Paul. Avec l'offre standard fixe de Total Energy, il a 10% de remise en souscrivant un contrat d'électricité pour sa maison. Ouais bah moi je les appelle pour qu'ils arrêtent leur promo. Avec l'offre standard fixe, profitez d'un prix du kilowattheure d'électricité hors taxe 10% moins cher que le tarif réglementé de vente et fixe pendant un an pour toute nouvelle souscription à un contrat d'électricité. Appelez le 3099. Offre soumise à condition, détails sur totalenergie.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Chef, oui. En apéritif pour la planche de fromage, je suggère quoi? Une lèvre blanche rafraîchissante ou une lèvre ambrée plus corsée? Mais non, tu suggères une lèvre blonde savoureuse ou une lèvre rubis fruitée? Oui, chef. La lèvre, associée à une planche apéritive, en révèle toute sa saveur. Lèvre, cette saveur en plus. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand? C'est-à-dire? Désolé, le mouton à cinq pattes n'existe pas. Mais sur notre CVTech, apec.fr, avec plus de 600 000 profils cadres, vous allez forcément trouver le candidat dont vous avez besoin. Et c'est gratuit. APEC, donnez de l'élan à votre avenir. Devine quoi? Les Gaulois sont de retour au parc Astérix. Alors, tu vas faire quoi en premier? Moi, je vais faire Pégase Express. Après, la tour de numéro bis. Après, Disco Bélix. Après, Osiris. Oh, après, je referai Pégase Express. Ah, bah ça tombe bien. Jusqu'au 7 mai, l'entrée gratuite pour les moins de 12 ans. Et même qu'après, je vais faire tout Atis. Parc Astérix, on est comme ça, au pays des Gaulois. Plus d'infos sur parcastérix.fr. Si vous pensez qu'un déplacement professionnel peut se faire ailleurs que dans un hôtel standardisé, si vous êtes convaincu que pour bien travailler, il faut aussi bien dormir, et si vous préférez savourer un plat authentique plutôt qu'un sandwich d'autoroute, alors vous êtes bien chez Logis Hôtel. Un hôtel tous les 12 km. La soirée étape chez Logis Hôtel, c'est un forfait nuit, repas et petit déjeuner à 105€. Prix moyen constaté en 2024. Logihotel.com. Joignez le local à l'agréable. Dans moins d'une minute, retour du rock. Sur Oui FM. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô? Alors, T'as vu le prix de l'avocat chez Lidl? Ah, j'ai vu, patron. En ce moment, chez Lidl, l'avocat est à 75 centimes pièce. Un si petit prix, c'est vraiment l'avocat sillon de Lidl, non? 75 centimes l'avocat? Non, mais là, il n'y a plus de justice. Je suis vert. Ah, je plaide coupable. On est mal. Lidl est vraiment le moins cher? Et vous le prouve sur lidlestmoinscher.fr. Offre valable jusqu'au mercredi 2 avril. Catégorie 1, origine Maroc, Espagne, Kenya ou Israël. Plus d'informations sur lidl.fr. Wouh! Les ventes flash de printemps Amazon sont enfin là. Alors, pour vos prochaines randonnées ou votre grand ménage de printemps, faites de super économies sur tout ce dont vous avez besoin. De la high-tech à la maison, en passant par le sport et bien plus encore. Wouh! Profitez des ventes flash de printemps Amazon. Jusqu'à ce soir minuit. Des ventes flash qui vont vraiment vous enchanter. Wouh! Oui, FM, la radio du rock. Du rock. Oui, FM. Midi 14h sur Oui FM. Johnny's always running around, trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts walls, knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if it would buy truth from him. Mary says he changes his mind more than a woman. C'est beau, fait sienne, cette chanson de Robert Palmer à Johnny and Mary à l'instant même sur Oui FM dans Mediculte. Dans le département du Val-d'Oise, le rendez-vous est pris du côté d'Ony. C'est le samedi 26 et dimanche 27 avril et c'est à l'occasion d'une exposition entièrement dédiée à la petite brique Lego. Oui, cette expo 100% brique propose différents univers composés, créé et imaginé entièrement à partir de cette célèbre brique, jouet incontournable des enfants à la base, hein, mais désormais des adultes qui en deviennent de véritables collectionneurs. Le Lego qui permet de créer des centaines d'univers, bateaux, trains, maisons, châteaux, etc. à découvrir lors de grandes expositions un petit peu partout, qui lui sont dédiées, pour voyager comme ça sans même vous déplacer. Alors sur place, des animations seront proposées lors de cette expo, ainsi qu'un espace vente. Bah oui, il faut faire le plein. Et puis tout cela, c'est ouvert donc du samedi 26 avril de 11h à 19h30, le dimanche 27 de 9h à 17h30. Une exposition ludique, on s'en doute, à ne pas manquer, organisée par l'association Brésy du côté d'Ony, dans le gymnase Roger Moritaise. C'est zéro, gratuit pour les moins de 5 ans, et les plus de 5 ans, c'est 3 euros. Ça le fait. Where all the girls are driving crazy, I drive him crazy cause I'm sexy. They call me sexy cause I'm hot, catch my nut. Don't you know why I'm so hot? Cause I am Peggy. Where everything is in a lock, lock on me into your thing, I'll make you scream my name. Honey, holy home, set your goal, make you wonder why I'm cold and distant. I'm cold and distant, yes I am. I'm PK cause I'm all alone. You know that it's crazy, yes it's crazy.

Oui FM. M6 Kia, Empire of Love. Présence, hein. MSIS Kia à l'instant sur WFM avec Empire of Love en nouveauté. On a eu les Red Hot Chili Peppers et si on remonte un tout petit peu plus haut, Chaka Ponk, justement, parlons de Chaka Ponk, il y a leur finale. Le final, c'est le jeudi 3 avril. Ils ont tiré leur révérence, ils ont tourné à guichet fermé. Ils ont terminé le 30 novembre dernier à l'Accor Arena au terme d'une tournée de plus de 115 dates, hein, ayant rassemblé plus d'un million de spectateurs. Ultime chance de se rassembler pour vivre ou revivre ce concert historique. Eh bien, le film live sera diffusé en exclusivité au cinéma lors d'une soirée unique le jeudi 3 avril, un petit peu partout en France et aussi en Belgique et au Luxembourg. Voilà. Dans quelques instants sur WFM, on aura en nouveauté Almost Monday. Avant ça, New Sensation sur WFM. Dans le midi, bon appétit. C'est In Excess. like the cover of a magazine. Yeah, short shorts, sweating beads, stacking up points in my fantasy. Yeah, she's my fantasy. I see her in my dreams. She's my fantasy. She's in it to win it, got eyes on the prize. Beats you to the finish, she's got a game. Et on était bien en compagnie d'Almost Monday, le dernier She Likes Sports. Cette semaine, WFM vous fait gagner votre exemplaire vinyle du nouvel album de The Warning, en l'occurrence Keep Me Fed. The Warning, trio de frangines venues de Monterrey au Mexique, hein, formé en 2013, et un printemps qui s'annonce donc chargé pour Alejandra, pour Paulina et Daniela, qui sortent Keep Me Fed, quatrième album solo déjà. Alors solo en fait c'est trio, hein. Plus un opus qui a été précédé par pas mal de singles qu'on vous joue sur WFM et qui met en avant ce groupe qui s'inscrit dans la ligne droite des Runaways, des Bungles aussi. Donc ne passez pas à côté, avec Arnold vous jouez aux alentours de 9h15 dans le 1-2-3 pour gagner cet exemplaire. Dans quelques instants sur WFM, c'est bien Coldplay qui s'annonce tout comme Muse. Écoutez WFM gratuitement en qualité haute définition grâce au DAB+. Pas besoin de connexion internet ni de réseau mobile. Le DAB+ vous offre un confort d'écoute inégalé pour profiter de vos classiques rock préférés. WFM s'écoute en DAB+ à Marseille, Bordeaux, Orléans et dans plus de 30 villes partout en France. Groupama. Cerise nous dit pourquoi les pros peuvent compter sur Groupama. Vous n'allez pas travailler avec des béquilles, Jacques. Si je m'arrête, je n'aurai pas assez de revenus pour assurer mon quotidien. Rassurez-vous, Groupama est là. Notre contrat de prévoyance pro pourrait vous assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Parfait pour récupérer en cas d'accident. Ah, mais c'est très bien ça. Et en ce moment, jusqu'à 200€ sont offerts pour tout nouveau contrat souscrit. Groupama, toujours là pour moi. Plus d'infos sur groupamapro.fr pour les conditions et limites des garanties présentées, se reporter au contrat. Plaisir simple numéro 13. Pour écouter un tube de sa jeunesse. Plaisir simple numéro 14. Repartir la distrib à neuf quand on sort de chez Motrio. Jusqu'au 31 mai chez Motrio, profitez de 40€ de remise sur le changement de distribution. Motrio, simplifions l'entretien auto. Offre réservée aux particuliers, voire conditions dans les garages participants. Rendez-vous sur motrio.fr. Aesio Mutuelle présente. Hey, trop de boulot. Tu sais si on a une bonne couverture dans cette boîte? Ah oui, ici on a le top de la couverture, hein, en lin, en coton et même en marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid. Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, vos collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur activité et d'ateliers de prévention sur mesure pour assurer leur bien-être au travail et au quotidien. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Contactez votre conseiller dès maintenant. Renseignements sur aesio.fr. BMW. 100% électrique, 100% plaisir de conduire. Retrouvez l'âme de BMW dans chacun de nos modèles électriques. Et en ce moment, la BMW iX1 M Sport est à 390€ par mois. Offre pour BMW iX1 20 M Sport, LLD 48 mois, 40 000 km. Premier loyer, 390€ après déduction bonus écologique de 2000€. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 avril 2025 si accord BMW Finance. Conditions sur BMW.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Bonjour, je m'appelle Boris. Je suis expert solutions énergétiques EDF pour les entreprises. En ce moment, beaucoup de clients me demandent comment réduire l'empreinte CO2 de leur entreprise. Ils savent que c'est important pour la planète et leur facture. Ils veulent passer à l'action. Alors avec notre offre Décarbone, nous programmons ensemble une visite qui les éclaire sur leur impact CO2 et je leur propose des solutions adaptées à leur entreprise. Mieux pour le climat, mieux pour la facture. EDF. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand? C'est-à-dire? Désolé, le mouton à 5 pattes n'existe pas. Mais sur notre CV Tech, APEC.fr, avec plus de 600 000 profils cadres, vous allez forcément trouver le candidat dont vous avez besoin. Et c'est gratuit. APEC, donnez de l'élan à votre avenir. Carrefour, Chez Carrefour, achetez vos yaourts, compotes et desserts et recevez 50% du montant de vos achats en bon d'achat. Et c'est valable sur tous les yaourts, compotes et desserts, même en promotion. Et c'est dès demain et jusqu'à jeudi dans vos hypermarchés Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Dès 10€ et jusqu'à 20€ d'achat en deux bons d'achat valables du 4 au 20 avril. Modalité complète sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Dans moins d'une minute, retour du rock sur Oui FM. Renault Car Service lance Digital Car Service pour gérer en ligne l'entretien de mon véhicule sur Renault.fr ou l'appli My Renault. Est-ce que ça va changer ma vie? En tout cas, ça va la simplifier. Je prends rendez-vous en ligne, choisis mon atelier, dépose mon véhicule, on me tient informé des différentes étapes de vie suivies des réparations. C'est donc vrai. Qui mieux que Renault peut entretenir ma Renault? Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2025. Conditions et rendez-vous sur Renault.fr ou l'appli My Renault. Numéro 1, source l'Automobile Magazine 2024. Vous vous donnez un coup de boost tous les matins. Pour booster votre confiance, vous allez à la salle. Et votre épargne, elle, vous ne lui donneriez pas un coup de boost? En ce moment, à la Matmut, vous profitez d'un taux boosté à 5% sur votre assurance vie. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, élue marque de l'année 2025. Taux de rendement hors prélèvements sociaux et fiscaux garantis en 2025 pour tout versement hors programmé réalisé du 1er avril au 30 juin 2025 au prorata temporis de la durée d'investissement. Limites et conditions de l'offre en agence et sur matmut.fr. Oui FM, la radio du rock. Baby, do the bad, bad thing. Sally, take my hand. We'll travel south across land. Cause she had diamonds on inside. She had diamonds on inside. Oui FM, la radio du rock. Oui FM. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own.

meilleures nouveautés rock sont sur Oui FM. Sam Fender, People Watching. Du dernier album, c'est People Watching à l'instant sur WFM, un album que vous avez gagné toute la semaine passée à l'écoute de WFM. Lui, c'est Sam Fender. WFM, la radio du rock. WFM, midi culte, midi 14h sur WFM avec Josca. Et oui, là je crois bien qu'on a perdu notre week-end en ce lundi. Mais à la fois, c'est le principe même du lundi, hein, nous faire oublier notre week-end et devoir se projeter sur une nouvelle semaine qui nous fera déboucher sur un nouveau week-end. C'est la roue qui tourne. Pour l'heure, on avance, on n'a pas le choix, mais autant le faire avec une nouvelle session de Midicule qui se poursuit jusqu'à 14h. On joue d'abord le son de WFM c'est lui le patron. Ajoutons ensuite les toutes dernières infos rock et infos tout terrain. Mixons avec des invitations à sortir au ciné, en concert, au musée, aux expos photos, au théâtre, bref, varions. Puis mélangeons avec la présence active d'intervenants qui mettent de côté pour nous des infos qu'ils veulent partager. Rebonjour, re-bienvenue amis auditrices, auditeurs les meilleurs, toujours Josquin, en porte-voix, la voix, je vous la montre de ce pas, avec les Breeders, c'est Cannonball. Midi 14h sur Wii FM avec Josquin. Just

craziness machine. Don't make my system flow. Les meilleures nouveautés rock sont sur Oui FM. Mumford & Sons, Rushmere. Don't you miss the breathlessness, the wildness in the eye. Come home late in the morning light. Bloodshot dreams under street light spells. A truth no one can tell. And I was still a secret to myself. Light me up, I'm wasted in the dark. Rush me a restless heart in the end. Get my head out of the ground. Time don't let us down again. Take me back. There's madness and magic in the rain. There's beauty in the pain. Don't lie to yourself. Envie de partir en tourbus avec eux, c'est sûr que ça doit jouer bien se marrer. Mumford & Sons, quelle énergie. Rushmere, c'est l'un des derniers morceaux à l'instant même. Vous jouez, si vous le souhaitez, bien sûr, tous les jours de la semaine avec Arnold dans le 1, 2, 3 aux alentours de 9h15. Vous jouez pour la gloire, oui, mais aussi pour gagner. En l'occurrence, je vous le rappelle, toute cette semaine, c'est The Warning qui est à l'affiche, les frangines mexicaines qui proposent un quatrième album, Keep Me Fed, c'est comme ça qu'il s'appelle, vous les gagnez. Donc jusqu'à vendredi, n'hésitez pas une seconde si vous avez déjà levé l'œil pour participer à ce jeu et gagner cet album version vinyle. On poursuit Midi Culte, bon appétit, on peut le dire. Les Stereophonics, les Gallois qui sont revenus il y a peu de temps, on écoutera le tout nouveau morceau, mais avant ça, je vous offre Live and Let Die. Alors, pas par les Wings, en l'occurrence Paul McCartney et Linda McCartney, non, en reprise, les Guns N' Roses, Live and Let Die, sur Oui FM. You were young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Voilà, sur Oui FM dans Midi Culte, le dernier titre des Stereophonics pour un nouvel album, pour une tournée, une belle tournée d'été, notamment avec un passage fin août du côté de Rock en scène. Voilà, il va falloir patienter pour assister à ce morceau sur scène. There's always gonna be something. Et il pourrait aussi bientôt passer nous voir ici même, histoire de raconter un petit peu comment est né ce nouvel album et puis jouer quelques morceaux en acoustique. On aime varier les plaisirs. Dernière ligne droite pour Midi Culte, il y aura bien les Luminanas, John Lennon avec Imagine, Frank Carter s'annonce, s'affiche aussi. Et puis on va repartir avec U2. Une fois qu'on a dit U2, quel morceau de U2 a été choisi? En l'occurrence, c'est Vertigo. À tout de suite sur Wii FM. 06 95 33 95 33, c'est le numéro de Wii FM. Venez parler avec nous, envoyez vos messages, vos vocaux et partagez vos meilleurs souvenirs de Wii FM directement avec nous. 06 95 33 95 33, le numéro direct de Wii FM, la radio du rock. Aesio Mutuelle présente. Oh, salut Thermos, ça va? On profite de la retraite? Ah, t'as pas idée, je passe mes journées au bain chaud. Bah oui, t'as l'air changé, t'es beaucoup plus rouge-violet. C'est nouveau les cloques? Mais quoi? T'as une bonne mutuelle, rassure-moi. Non, je t'ai dit que j'étais à la retraite. Pourquoi? Non, pour rien. Ne pas avoir de mutuelle quand on est à la retraite, c'est du passé. Avec Aesio Mutuelle, c'est s'assurer d'une continuité dans sa couverture santé tout au long de sa vie. Aesio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Contactez votre conseiller dès maintenant. Renseignements sur aesio.fr. La vie claire. Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût? En ce moment chez La Vie Claire, profitez de moins 15% sur tous nos pains bio dans nos 22 recettes exclusives. Et dès 30 euros d'achat, on vous offre un pain sportif. Alors, ça vaut le goût ou pas? La Vie Claire, la bio clairement engagée. Offre limitée à une personne et par foyer. Voir conditions sur lavieclaire.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Carrefour. Quand vous me dites, les concombres, coupés en rondelles avec un peu de ciboulette, il n'y a pas mieux. Eh bien, je vous réponds que les concombres Origine France sont à 84 centimes la pièce. Et c'est dès demain et jusqu'à jeudi, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, et sur votre appli Carrefour. Retrouvons tous le goût avec Act for Food. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Catégorie 1, calibre 300-400 grammes, détails sur carrefour.fr. Hospitalier, chez nous, chaque voix compte. Rejoignez-nous. Faites entendre la vôtre. En 2025, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers organise la nouvelle élection de ses délégués. Chaque adhérent peut y participer. Pourquoi pas vous? Pour en savoir plus, rendez-vous sur MNH.fr. MNH, créé par et pour les hospitaliers. Retrouvez nos conditions sur MNH.fr ou au 3031. Appel gratuit. Chef, oui. En apéritif pour la planche de fromage, je suggère quoi? Une lèvre blanche rafraîchissante ou une lèvre ambrée plus corsée? Mais non, tu suggères une lèvre blonde savoureuse ou une lèvre rubis fruitée? Oui, chef. La lèvre, associée à une planche apéritive, en révèle toute sa saveur. Lèvre, cette saveur en plus. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Votre nouveau poltron sofa est plus proche que vous ne le pensez. Bien sûr, Bruno, c'est la collection Je Mérite. Tant de canapés à 799 € seulement. Vous avez plus de 300 magasins pour l'essayer. Avec en plus 30% sur les modèles de la collection, comme en exposition. Venez les découvrir en magasin. Poltron sofa, 30 ans de qualité. Et voilà. 30 ans de qualité, vérifiez conditions en magasin. Si vous aimez qu'un hôtel soit particulier et pas standardisé, si plus qu'y dormir, vous avez envie de super bien y dormir. Si vous êtes convaincu qu'un petit hôtel peut avoir un grand restaurant. Si vous pensez qu'un bon établissement doit aussi chouchouter son environnement. Et si vous avez envie de soutenir une entreprise locale plutôt qu'une multinationale, alors vous êtes bien chez Logihôtel. Un hôtel tous les 12 kilomètres. Logihôtel.com. Joignez le local à l'agréable. Renault Car Service lance Digital Car Service pour gérer en ligne l'entretien de mon véhicule sur Renault.fr ou l'appli My Renault. Est-ce que ça va changer ma vie? En tout cas, ça va la simplifier. Je prends rendez-vous en ligne, choisis mon atelier, dépose mon véhicule, on me tient informé des différentes étapes, devis, suivi des réparations. C'est donc vrai. Qui mieux que Renault peut entretenir ma Renault? Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2025. Conditions et rendez-vous sur Renault.fr ou l'appli My Renault. Numéro 1, source l'Automobile Magazine 2024. Wii FM, retour du rock dans moins d'une minute sur Wii FM. Leclerc, bonjour. Bonjour, vous faites une promo sur les sauces Barilla? Tout à fait. Ah, je le savais. Chérie, c'est quoi déjà ta fameuse recette de sauce provençale? C'est un secret. Le secret, c'est que jusqu'au 5 avril, pendant les super pouvoirs d'achat chez Leclerc, le troisième pot de sauce provençale ou tomate cuisinée Barilla est offert pour deux achetés. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Wouh! Les ventes flash de printemps Amazon sont enfin là.

Et voilà pour le Frankie, Frank Carter et son groupe les Rattlesnakes sur WFM dans Medicult. C'était Man of the Hour. Il était venu jouer ce morceau dans une version acoustique lors de son passage, quoi, il y a 6-7 mois. Dans quelques instants, pour bien terminer Medicult, il y aura le duo de choc les Luminanas avec Bobby Gillespie. Avant ça, il a bien fallu se faire une vie après les Beatles. On peut dire que c'est l'un des morceaux qui marque la carrière, on va dire, en solo de John Lennon. C'est Imagine, bien évidemment, et c'est sur WFM. I am a drummer. Bienvenue à l'écoute de WeFM et à l'écoute des Luminanas avec ce dernier morceau Prisoner of Beauty épaulé par Bobby Gillespie. Leader chanteur de Primal Scream. C'en est terminé de notre première pause déjeuner de cette semaine, midi 14h. Midi Culte revient donc demain mardi. Passez une belle après-midi de lundi avec du Kings of Leon, du Lenny Kravitz et puis plein d'autres belles choses. L'arrivée de Pierre à partir de 16h pour le 16-20 et demain matin, celui qui fait des beaux cadeaux toute cette semaine une nouvelle fois, c'est bien sûr Arnold, 6h, 10h pour le Morning Rock. Vous savez tout. Très bon après-midi donc, comme je disais. WeFM, la radio du rock. Hypnotized.